Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche la solution. Alors, ne cherchez plus, il y a les électriciens du Nord incorporés au 1025 Première Rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales ou industrielles. Une équipe d'expérience qui a plus de 30 ans de présence dans le milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Confiez-le à des pros. Les électriciens du Nord au 418-347-5103 où on fait la vente d'équipements neufs ou usagés. Le personnel et la direction des électriciens du Nord invitent toute la population à participer en grand nombre aux activités de Milo en radio qui se déroulent en fin de semaine. Amis golfeurs, votre marché Richelieu Florent Lachance de Saint-Prime vous invite à profiter de ses spécialités pour le grill afin d'agrémenter votre 19e trou. Dégustez nos 10 variétés de succulentes saucisses préparées en magasin pour vous. Régalez-vous aussi de nos exquises rosettes de saumon farci au fromage et aux crevettes. Ou encore, tous les vendredis, expérimentez nos réputées et savoureuses côtes de dos cuites sur place. Pour un après-golf réussi, pensez Marché Richelieu Florent Lachance de Saint-Prime, qui profite de l'occasion pour vous souhaiter une excellente saison. C'est la chronique du club de golf de Saint-Prime, présentée par Épicerie Florent Lachance de Saint-Prime. Donc, on va parler avec Gilles Larouche. Salut Gilles! Bon matin! Gilles, d'abord, si on parlait du... Si on parlait beaucoup de nouvelles, on a confirmé ce que vous avez annoncé il y a quelque temps, un montant récurrent de 35 000 $ pour le club de golf, une entente de 4 ans. Exactement. La préfète, samedi dernier, nous, on avait le tournoi, la classique annuelle qui s'appelle Le Bénéfice. La préfète, Mme Ghislaine Hudon, a annoncé à nos membres la contribution au niveau de la MRC, comme tu as mentionné, 35 000 $ et ce pour les 4 prochaines années. Et par la fin même, notre président a confirmé que les 18 terrains qui étaient à vendre, la vente est terminée. Okay. Alors, cette action est complétée, les 18 terrains sont vendus. Alors, ça nous permet de passer à autre chose et de regarder vraiment vers l'avenir. Ça a bien été pareil? Ça a très bien été. C'est au-delà de nos espérances. Nous, en étant positifs et réalistes, on s'attendait à vendre 50 % des terrains. Sauf que quand les gens ont vu à partir du printemps, quand la rue était aménagée, les premières constructions, ça a fait boule de neige. OK, OK. Là, tu veux nous parler également de la fête du junior. Oui, nos juniors, on sait que cette année, on avait 71 participants, ce qui est un record. Alors, l'Académie junior a tenu sa dernière activité 2017, mardi dernier. Alors, nos jeunes ont pu faire des compétitions, des jeux, il y a eu tirage de prix. Alors, c'était vraiment la fête pour clôturer cette belle activité pour nos juniors. OK. Chibougamau, maintenant. Chibougamau. Nos amis de Chibougamau, on a une classique annuelle qu'on a instaurée l'an dernier. L'an dernier, on les a visités. Hier, tout près de 20 joueurs se sont déplacés pour une petite compétition amicale. Okay. Alors, le tour regroupé 50 personnes, on a joué au golf dans une température pratiquement hivernale, avec un magnifique souper. Alors, disons qu'on a une belle fraternité avec nos copains du Nord. OK, donc c'est pas mal le fun aussi. Parle-moi maintenant du tournoi résolu, 275 personnes qui sont attendues au club de golf de Saint-Prime aujourd'hui. Ben oui, effectivement, le premier, disons que c'est deux départs simultanés. Il y a 100 joueurs ce matin. Sont okay. sur le terrain. Le départ a eu lieu il y a quelques minutes. Ça a débuté à 9h. Et au niveau du deuxième coup de simultané, c'est à 12h30. On va avoir environ 175 joueurs. Alors, il y a une température qui est un peu fraîche ce matin, mais ça va se réchauffer. Un ciel sans nuages. Disons que pour nous, c'est un événement majeur et les gens ont arrivé ici avec entrain. Et il y a beaucoup d'énergie aujourd'hui sur le club de golf ici à Saint-Prime. Ben, c'est pas mal de fun aussi. Je pense qu'il y a une grosse activité également demain aussi. Hein? Demain, c'est encore une fois une autre activité. Ce sont nos amis Chevalier-Colomb de Robertval qui viennent nous visiter. Il y a environ 75 joueurs. On appelle ça un steak golf, compétition amicale, organisée toujours par les Chevaliers-Colomb et le club de golf. Et après ça, il y a un steak. Puis c'est vraiment un beau moment pour fraterniser. Okay. Et nous, ce week-end, c'est le championnat du club. Alors, oui, c'est vrai. Et dimanche, c'est l'heure de la compétition. Il y a environ une quarantaine de joueurs à ce moment-ci qui est inscrit. Les inscriptions vont prendre fin, si ma mémoire est bonne, en fin de journée. Et cet événement annuel aura lieu ce week-end. Bon, ben c'est pas mal intéressant. Hey, y a-t-il eu un trou d'un coup qui s'est fait récemment? Non, non, on n'a pas de trou d'un coup. Le terrain, disons qu'il doit être un petit peu plus difficile. Il n'y a pas de trou d'un coup depuis fort longtemps. OK. Ben, on se reparle, Gilles, la semaine prochaine, mardi ou mercredi prochain. Merci, Danny. C'est la chronique du club de golf de Saint-Prime, présentée par Épicerie Florent Lachaud.